de fées en français. L'oiseau de la vérité. Il était une fois un pêcheur qui avait placé son filet dans la rivière comme d'habitude. Il attendait patiemment sur son bateau et mangeait son repas quand il entendit un son curieux. Alors qu'il attendait là, il vit un berceau fait de cristal qui flottait sur la rivière en direction de son bateau. Le pêcheur tendit les bras pour attraper le petit paquet, à l'intérieur duquel il trouva des couches de la plus belle soie qu'il ait jamais vue. Il les retira et découvrit les visages de deux beaux bébés. Le cœur du pêcheur se remplit de tendresse et il emmena les bébés chez lui. Chérie, regarde ce que j'ai trouvé dans la rivière aujourd'hui. Deux bébés? Mais nous avons déjà quatre enfants à nourrir. Mais qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Les laisser dans la rivière à mourir de faim? Je sais bien. Bon, si nous avons à manger pour nous six, nous aurons bien à manger pour nous huit. La nourriture ne manquait pas dans la maison du pêcheur. Et les bébés grandirent pour devenir un garçon et une fille aussi beaux, gentils et sages qu'ils étaient bien élevés et justes. Mais les autres enfants n'étaient pas gentils avec eux et leur disaient souvent des choses méchantes. Rends-moi ma poupée! Papa me l'a offerte à moi! Je pensais qu'il avait dit qu'on pouvait tout partager. Mais ce n'est pas ton père à toi! Il t'a trouvé dans une rivière! Va jouer avec ton berceau de cristal! C'est la seule chose qui t'appartient ici! Le frère et la sœur étaient parfois si blessés qu'ils partaient dans les bois pour rester entre eux. Là-bas, ils partageaient le pain qu'ils avaient mis de côté au petit déjeuner et en faisaient des miettes pour les oiseaux qui leur avaient appris tellement de choses, comme par exemple le langage des oiseaux, comment vivre dans une forêt, comment chanter. Ainsi, une nuit que les autres enfants avaient été particulièrement méchants avec eux, le frère et la sœur orphelins prirent une décision. Peu importe les efforts que l'on fait, ils ne nous aiment pas. Et ça met papa et maman au milieu. Dis-moi, tu penses qu'on devrait partir? Papa et maman vont en ville demain. On pourrait s'en aller après leur départ. Ainsi, ce jour-là, quand le pêcheur et sa femme partirent en ville, le frère et la sœur quittèrent leur maison dans la forêt. Ils marchèrent pendant 3 heures. Et quand la nuit tomba, ils eurent envie de se reposer. Tout à coup, ils virent une cabane au loin. Oh, regarde! Tu crois qu'on devrait aller voir? On devrait trouver un abri là-bas. Ils allèrent à la cabane et frappèrent à la porte. Personne n'était là. On fait quoi alors maintenant? Eh bien, là-bas, il y a un banc. On pourrait s'y reposer dessus cette nuit. Alors, ils s'installèrent sur le banc pour se reposer, mais aucun d'eux ne put dormir. Étendus et éveillés, regardant la lune et les étoiles, ils entendirent alors des bruits. Il y avait une grande cacophonie dans les arbres à côté. Et comme ils connaissaient la langue des oiseaux, ils pouvaient comprendre ce que disaient ces oiseaux. Vous êtes venus de la ville, vous? Eh bien, eh bien! Comment avez-vous pu penser à vos pauvres amis de la forêt? Eh bien, juste besoin d'un changement d'air, j'ai eu un rhume récemment. Les oiseaux aussi peuvent s'enrhumer? Chut, écoute. Alors, qu'est-ce qu'il se passe de nouveau dans la grande ville? Oh, toujours pareil. Le pauvre roi est toujours misérable. Rien ne semble lui apporter de la joie ou de la sérénité. Ça a dû être dur pour lui, que sa femme soit partie et ses enfants. Oh non, elle n'est pas partie. Elle a été enfermée dans une tour. Mais comment ça? Bon, je ne l'ai pas vue moi-même, mais je connais un vieux coucou qui vit dans le jardin du palais. Allez, raconte-nous ce que tu as entendu. Vous savez que le roi avait épousé cette femme dont il était tombé fou, amoureux. Bien sûr qu'on le sait. Eh bien, la jeune fille était aussi intelligente qu'elle était belle, et le roi l'aimait vraiment. Elle a découvert que ses officiels et des ministres du palais essayaient de nuire au roi et elle a tenté de les déjouer. Vraiment? Oui! Mais ces officiels corrompus ont eu vent de cela. Et quand le roi est parti à la guerre, ils firent arrêter la reine et l'enfermèrent dans une tour. Et le prince et la princesse? Ils prirent les jumeaux, les placèrent dans un berceau de cristal et les abandonnèrent sur la rivière. Le coucou a dit qu'il l'avait vu de ses propres yeux. Au moment où le frère et la sœur entendirent « berceau de cristal », ils pensèrent au berceau dans lequel ils avaient été mis, qui flottait sur la rivière quand le pêcheur les avait vus et ramenés chez lui. Va jouer avec ton berceau de cristal! T'as compris? C'est la seule chose qui t'appartient ici! Le roi n'a-t-il pas essayé de les chercher? Apparemment, les officiels corrompus lui ont dit que, craignant la guerre, la reine avait fui avec les deux enfants. Oh! Le roi ne sait même pas qu'elle est enfermée dans une tour! Et si le prince et la princesse retournaient au palais, est-ce que le roi les reconnaîtrait? Tu parles notre langue? Oui, bien sûr! Parce que des oiseaux comme vous ont eu la gentillesse de nous l'apprendre. Ah! Le berceau de cristal dont vous parlez! Eh bien, on a été mis dans ce berceau qui est parti flotter sur la rivière où un pêcheur nous a trouvés et amenés chez lui. Et vous seriez donc le prince et la princesse. Eh bien, regarde leur bonne manière. Bien sûr que c'est eux. Mais qui les croira? Et comment prouver au roi qui ils sont? Il existe un oiseau, l'oiseau de vérité, le seul oiseau du monde qui parle le langage des hommes. Cet oiseau connaît toutes les vérités du monde. Lui seul peut vous aider. Où peut-on le trouver? Il y a une sorcière qui vit dans une grotte dans la montagne violette. Elle vous dira le chemin du château de vient et ne repart jamais là où l'oiseau est emprisonné. Mais avant d'entrer dans le château, parlez au hibou qui ne sait dire qu'un seul mot humain. Crois. Merci beaucoup. Nous devons faire tout ce qui est possible pour retourner auprès de notre père. Ainsi, le prince et la princesse marchèrent dans la forêt. Ils étaient si contents et avaient si hâte de rencontrer leur père et de libérer enfin leur mère qu'ils oublièrent leur faim et leur fatigue en marchant. Ils arrivèrent enfin à la grotte de la montagne violette où vivait la sorcière. Ils frappèrent courageusement à la porte. Qui ose venir frapper à cette heure-ci? Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Mon Dieu, mais que faites-vous ici? Nous voulons connaître le chemin du château, viens et ne repars jamais. Ah, ça! Vous pourrez y aller demain, mes petits. Jusque-là, dormez donc avec mes lézards, mes petits. Merci, madame, mais on ne voudrait vraiment pas vous déranger. Je ne vous indiquerai le chemin que si vous me rapportez de l'eau multicolore de la fontaine qui est dans la cour du château. Vous m'avez bien compris? C'est d'accord, madame. Alors, la sorcière leur donna un récipient dans lequel ils pourraient ramener l'eau multicolore de la fontaine et elle envoya son chien les guider jusqu'au château. Où est ce hibou? Les oiseaux nous avaient dit de parler avec lui avant d'entrer dans le château. Alors, ils entendirent un son. Crois! Crois! Le hibou! Bon hibou, nous devons entrer au château de Viens et ne repars jamais. On nous a dit de te parler avant d'entrer dans le château. La sorcière vous a montré le chemin? Oui. Et est-ce qu'elle vous a demandé de lui ramener de l'eau multicolore de la fontaine? Oui. Ne faites pas ça. Remplissez le récipient de la sorcière avec de l'eau de la source qui coule près de la fontaine multicolore. Après, entrez. Il y a une volière avec toutes sortes d'oiseaux. Et tous vont vous dire en hurlant qu'ils sont l'oiseau de vérité. Mais le vrai oiseau de vérité sera dans un coin. C'est une colombe argentée. Faites tout cela au plus vite, car un géant vient ici chaque soir sur les ordres de la sorcière. Merci, mon bon hibou. Ainsi, les enfants firent exactement ce que leur avait dit le hibou. Ils remplirent le pot de la sorcière avec de l'eau de source. Puis ils entrèrent dans la volière où les oiseaux hurlaient. « Je suis le vrai oiseau de vérité !»« Menteur, je suis le vrai oiseau de vérité !»« Non, c'est moi !»« Non, c'est moi !» Les enfants repérèrent le vrai oiseau de vérité, l'attrapèrent doucement et s'enfuirent du château. Ils arrivèrent à la grotte de la sorcière. « Ah, vous avez donc trouvé le vrai oiseau de vérité, n'est-ce pas ? Où est donc l'eau de la fontaine multicolore ?» Transformez-vous en lézard, tous les deux! Mais au lieu de devenir des lézards, le prince et la princesse se mirent à briller et prirent des forces, car l'eau de source faisait toujours le bien. En voyant cela, les créatures de la cave voulurent se ruer sur l'eau et la sorcière s'enfuit pour ne jamais revenir. Les enfants allèrent au palais, mais les méchants ministres ne les laissèrent pas entrer. On ne peut pas leur montrer l'oiseau de vérité, sinon ils ne nous laisseront jamais entrer. Alors disons-leur juste que l'on veut voir le roi. Que faites-vous ici, les enfants? Nous voulons voir le roi. Nous avons un petit cadeau pour lui. Comment osez-vous déranger ainsi le roi? Allez-vous-en, allez! Mais l'oiseau de vérité s'échappa de son sac et se rendit aux appartements du roi directement par sa fenêtre et raconta tout au roi. Ainsi, votre reine chérie est enfermée dans une tour et vos deux enfants vous attendent à la porte du palais. Le roi se précipita dehors et enlaça ses deux enfants. Les ministres traîtres furent arrêtés et la reine fut libérée de la tour. Le roi récompensa le pêcheur et sa femme généreusement pour leur bonté. Et depuis ce jour, le prince et la princesse vécurent heureux pour toujours avec leurs parents.